Les années passent, j'ai toujours pas NES. Mais mon cœur lui dort, allô c'est moi, dis-moi que ça existe encore. Nous, ma faiblesse. Cette nuit d'été, au centre du monde, je voulais que le jour ne se lève plus jamais. Parce qu'on le sait, demain tout s'arrête. Et plus j'essaie de me souvenir, et plus tu disparais. Le temps d'une cigarette, revoir ton sourire. Dans mon esprit troublé ta silhouette. Je m'approche et elle s'éloigne. Je suis assourdi par ton silence. Et je serre les dents quand j'entends quelqu'un dire ton nom. J'essaie d'oublier mais j'ai l'impression de fuir mon ombre. Moi qui ne voyais qu'en noir et blanc, tu m'auras montré les couleurs. Au fond j'espère que toi ça va, moi je la connais bien cette douleur. Pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut. La lumière, dans tes yeux. Et si je m'en vais, loin d'ici. Je reste là, invisible. Pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut. La lumière, dans tes yeux. Dans tes yeux. Dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux. Le capitaine doit sombrer avec son navire. Le seul mensonge c'était de se dire qu'il y avait un avenir. Qu'est-ce qui est réel? De quoi j'ai rêvé? Je te regarderai de loin devenir ce qu'on n'a pas été. Peut-être que dans une autre vie, un autre monde, il y avait de la place pour nous. Ici les mois se transforment en secondes. Tomber du ciel. J'aurais pu te garder près de moi, mais j'ai soigné tes ailes. Vagabond, j'ai cherché un signe dans les nuages. Et mon rétro reflète encore ton image. Une partie de moi est toujours là où tout a commencé, au centre des montagnes. Si tu meurs, je t'accompagne. Pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut. La lumière, dans tes yeux. Et si je m'en vais, loin d'ici. Je reste là, invisible, pourvu qu'elle brille, tant qu'elle peut. La lumière, dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux, dans tes yeux. Dans tes yeux.